Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une affaire très sensible, l'amiante, un scandale français. En juin 2016, la justice rendait ce jugement. Le diagnostic d'une pathologie liée à l'amiante fait la preuve de l'intoxication, mais ne permet pas de dater l'exposition ni la contamination. Cette décision du parquet annonce donc la fin des investigations dans plusieurs enquêtes pénales en lien avec un dossier qui, depuis plus de 40 ans, empoisonne pourtant la France. Un chiffre d'abord, 100 000 cas déclarés d'ici 2025. Un chiffre qui place le scandale de l'amiante en tête des catastrophes sanitaires du pays. Cette fibre, l'amiante, que l'on retrouve dans de nombreux bâtiments ou infrastructures publiques à travers le pays, mais aussi dans la plupart des objets de notre quotidien, tue. Mais il a fallu attendre de nombreuses années pour qu'elle soit interdite, puis retirée parfois des établissements. Alors, comment expliquer cette lenteur dans la décision alors que les risques étaient connus? Pourquoi la justice ne parvient-elle pas à avancer sur ce dossier? Ces questions soulèvent l'ampleur d'un scandale où se mêlent intérêts financiers, responsabilités politiques et catastrophes sanitaires. Une affaire qui révèle aussi, en creux, les conséquences graves lorsque l'impératif économique l'emporte sur la question sociale et sur la santé publique. Notre invité aujourd'hui, Roger Langlais, auteur du Livre noir de l'amiante aux éditions L'Archipel, une enquête très fouillée sur le scandale de l'amiante. Vous entendrez également le reportage d'Anna Leverzo qui est allée à la rencontre d'une victime. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il suffit de lever la tête, l'amiante est apparente dans tous les couloirs du campus de Jussieu. Et ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans que des personnels sont en contact avec elle et qu'elle les contamine. Aujourd'hui, on comptabilise les premiers malades. Si vous avez un radiateur électrique à accumulation, problème aussi. S'il est des années 80 ou avant, vous pouvez avoir du carton d'amiante. Avec le mouvement d'air, vous avez des dégagements de poussière. C'est dangereux. Tous les épidémiologistes le disent. On prévoit entre 100 et 150 000 morts dans les 15 ou 20 années qui vont venir. Moi, quand je me lève le matin, mon premier réflexe, c'est le petit déjeuner. Un grille-pain qui est neuf, nous l'avons acheté récemment. C'est du pur amiante, c'est bourré d'amiante, c'est dangereux, jeté. L'amiante, c'est cela, une fibre d'origine minérale, ininflammable, longtemps utilisée comme matériau d'isolation. Elle est aujourd'hui présente dans un nombre très important de bâtiments. Ici, l'université de Jussieu à Paris, où l'amiante est présente à tous les étages dans les faux plafonds. Autre chose, entre donc les fours, les appareils de cuisson et le reste de l'électroménager, on trouve souvent des parois, ce sont en fait des parois d'amiante. Au fur et à mesure, cesse d'élite, vous respirez des poussières d'amiante, c'est très dangereux. Au printemps 1995, à travers deux articles, un nouveau scandale de santé publique éclate. Oui, nouveau, car il s'ajoute à une série d'affaires qui se succèdent depuis plusieurs années, comme celle du sang contaminé, la plus douloureuse, ou celle de la vache folle, qui déclenche la panique. Et voilà qu'un chiffre tombe, comme un couperet sur nos angoisses. Avec 3000 morts par an, 100 000 au total à l'horizon 2015-2020, la France serait en passe de connaître une véritable épidémie de cancer provoquée par un produit, l'amiante. Si cette affaire surgit au printemps 95, c'est parce qu'un an plus tôt, en juin 1994, deux événements ont remis cette substance sur le devant de la scène. Du côté de Gérardmer, d'abord, dans les Vosges, où les veuves de plusieurs professeurs du lycée technique de la ville se réunissent et portent plainte. Car selon elles, c'est l'amiante présente dans les locaux où travaillait leur mari qui est bien à l'origine du décès de leur époux d'un cancer. Cette affaire est suivie en décembre 1994 d'une réunion de scientifiques qui reconnaît les problèmes posés par ce minéral. Il s'appuie notamment sur l'étude épidémiologique d'un confrère britannique dont les résultats sont effarants. Le chercheur découvre non seulement que le nombre de mésothéliomes, un cancer de la plèvre, l'enveloppe des poumons dont le lien avec l'amiante a été prouvé il y a plusieurs années, est en forte augmentation. Mais ce même scientifique établit également qu'une minorité de ces cas a pour cadre des usines de transformation d'amiante. Oui, une minorité, ça veut dire que le danger ne se limiterait pas au travail direct et en contact avec le produit, mais bien à sa présence au quotidien. Or, de l'amiante, on en trouve partout. Cette roche fibreuse, dont l'usage industriel date de la fin du 19e siècle, est réputée pour ses qualités extraordinaires. Résistance aux chaleurs extrêmes, à la tension, aux agressions électriques, pouvoir absorbant. Il existe de l'amiante sous forme de ciment, utilisé dans les bâtiments comme isolant thermique, mais aussi sous forme manufacturée. De l'amiante, il y en a dans les objets de tous les jours et dans les infrastructures qu'on fréquente, universités, hôpitaux, métros. Ainsi, au printemps 1995, la peur s'installe. Pourtant, à la différence du sang contaminé ou de la vache folle, l'amiante est un nom connu des Français et ses risques le sont aussi depuis de nombreuses années. D'ailleurs, on se rend compte que son usage est interdit dans plusieurs pays. Et pourtant, on compte toujours une dizaine d'usines en France spécialisées dans ce secteur. C'est là que le scandale de l'amiante en ce printemps 95 prend une ampleur inédite. Car en effet, comment expliquer qu'il ait fallu attendre de compter les morts par milliers pour agir contre ce produit si répandu alors qu'on savait? Et il suffit de revenir 20 ans en arrière pour constater que déjà, l'amiante et ses risques s'étaient invités au cœur de l'actualité. Dans une civilisation qui se préoccupe d'améliorer le confort de notre vie quotidienne et de diminuer les risques d'accidents que nous fait courir le modernisme, le paradoxe est monnaie courante et c'est le cri d'alarme que lance le professeur Selikov de New York, aujourd'hui à Paris. Attention, dit-il, un danger nous guette dont nous ne prenons pas conscience suffisamment. Ce danger s'appelle l'amiante, fauteur de cancer pratiquement inguérissable. L'amiante, direz-vous, en quoi cela nous concerne-t-il? Voilà un cheval de bataille de plus pour écologistes en mal de contestation. Et pourtant, des accidents graves sont déjà enregistrés en France. Des cas de cancer sont signalés. À l'université, par exemple, de Jussieu, des cas ont été très précisément relevés. Et il faut bien le dire, il s'en trouve plus qu'on ne le croit généralement dans notre environnement. Jussieu 1974. En bas de la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris, à quelques encablures de la Seine, s'érige fièrement la plus grande université d'Europe. Lancée en 1965 par le président de Gaulle, portée par André Malraux, cette fac est l'un des bâtiments les plus emblématiques de la politique des grands travaux gaullistes. Prévue initialement pour 20 000 étudiants, elle accueille quotidiennement, en 1974, 40 000 personnes. Étudiants, chercheurs, personnels techniques et administratifs. Édouard Albert, l'architecte en charge de cet immense chantier, dessine un édifice constitué d'une trentaine de barres et d'une tour centrale. Pour protéger la moitié de cette méga construction métallique, il choisit une technique en vogue au milieu des années 60, le flocage à l'amiante. Neuf ans plus tard, en cette année 1974, des chercheurs du laboratoire de physiochimie instrumentale s'interrogent. Alors qu'ils travaillent sur des expériences, ils réalisent que la plupart de leurs tests sont pollués par de grandes quantités de poussière. Après étude, ils constatent qu'il s'agit d'amiante. La plupart de ces chercheurs suivent de près les publications scientifiques en cours. Ils savent donc les ravages que peut causer cette fibre. Cette année-là, sur le campus, la mobilisation est rapide, emmenée par Henri Pezra, toxicologue et enseignant de la faculté, soutenu par un collectif intersyndical, professeurs, étudiants. Ensemble, ils lancent des études pour évaluer le taux d'amiantage du bâtiment. Dans le même temps, à 400 km au sud de Paris... L'usine est silencieuse, les ateliers déserts, les machines paralysées depuis 20 mois. 20 mois d'occupation, c'est le plus long conflit de France. Depuis décembre 1974, dans cette manufacture d'amiante et d'isolant, le personnel se relaie pour occuper les locaux. À la fermeture de l'usine, ils étaient 271. Aujourd'hui, 140 d'entre eux n'ont toujours pas retrouvé d'emploi. L'usine est pourtant rentable, disent-ils. D'ailleurs, les pouvoirs publics l'ont reconnue et la production peut reprendre du jour au lendemain. Mais au fil des mois, tous leurs espoirs ont été déçus. Aujourd'hui, la reprise d'activité semble peu probable à Amisole. Mais ce que réclament au moins ces 140 chômeurs, c'est d'être reclassés. À Clermont-Ferrand, dans l'usine Amisole, en 1974, on lutte. En décembre de cette année-là, la petite usine de filage et tissage d'amiante dépose le bilan. D'un jour à l'autre, les 271 employés, essentiellement des femmes, se retrouvent sans emploi. Pour s'opposer à cette décision, les ouvrières décident d'occuper l'usine. Le conflit s'installe dans la durée. Or, plus les mois filent, plus l'inquiétude grandit. Car si ces employés ne vivent plus de leur travail, ils continuent d'en mourir. C'est d'abord un premier qui tombe malade, un autre qui meurt, puis deux, trois, quatre, pratiquement tous d'un même mal. Le mésothéliome, un cancer foudroyant, une année de survie en moyenne. En 1976, deux ans après l'alerte de Jussieu et le début de l'occupation à Amisole, l'université et l'usine, les chercheurs et les ouvrières se rencontrent. Henri Pezra, le toxicologue de la faculté qui alerte les occupants d'entreprise sur les dangers qu'ils encourent à rester dans ce lieu qui peut les tuer à petit feu, joue les intermédiaires. Pour les anciens salariés, c'est d'abord la stupeur et l'incompréhension. Ils doivent abandonner ce pour quoi ils se battent depuis plus d'un an, renoncer à ce travail qu'ils a fait vivre et sans lequel ils ne peuvent rien. Lentement, ouvriers et syndicats réorientent leur lutte. Désormais, ils veulent savoir, ils veulent comprendre et dénoncer les coupables. Le patron, les médecins de travail, les autorités publiques, qui savait, depuis quand, pourquoi n'a-t-on rien fait? Monsieur Marcel Lafouilleux, ça a duré combien de temps, cette façon de travailler? Eh bien, depuis plus de 30 ans, des camarades travaillent là, sans savoir, naturellement, le danger qui s'exposait. Alors quand est-ce que vous en êtes rendu compte? On s'est rendu compte les derniers temps, après la fermeture, là. Mais avant, ça n'allait pas très bien, la santé. Bien des camarades se plaignaient d'asbestose, de respiration, de tousser. Et jamais vous ne vous êtes rendu compte que l'amiante était un produit dangereux à manier? On ne pouvait pas y croire, on ne voulait pas y croire. Madame André Léonard, vous avez travaillé combien de temps dans cette usine? 30 ans. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Voltigeuse, je faisais tout, quoi. Aujourd'hui, la santé? Ben, ça va pas très bien. Pourquoi? J'ai toujours des étouffements et je suis toujours essoufflée. Je ne peux pas monter de poids lourd et je ne peux pas faire des longues marches car je suis très essoufflée et ça me fait mal au cœur. Ça fait combien de temps que vous souffrez d'asbestose? Ça fait à peu près 7 ans. Et étant toute seule, je suis obligée quand même de travailler. Aujourd'hui, vous êtes au chômage? Et aujourd'hui, je suis au chômage. Alors, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu la santé et j'ai perdu mon emploi. Et maintenant, je me demande ce que je vais devenir. Au fur et à mesure, l'alliance de Jussieu et d'Amisole accentue la pression sur le reste du territoire. De nombreux ouvriers et syndicats qui travaillent dans l'amiante, comme à Eternit ou Saint-Gobain, s'alarment. En 1977, le collectif intersyndical des universités publie un livre intitulé « Danger amiante ». Un ouvrage qui croise les témoignages des différents salariés de l'amiante à travers le pays et les risques encourus à Jussieu. Le gouvernement de Raymond Barre est obligé de réagir. En 1977, Jacques Barrault, le ministre de la Santé, fait voter deux textes de loi qui interdisent le flocage à l'amiante dans les locaux d'habitation et tout flocage contenant plus de 1% d'amiante pour l'ensemble des bâtiments. Pour l'industrie de l'isolation, l'aventure de l'amiante est terminée. Mais ça n'en reste pas moins pour elle une victoire, genre à malheur, malheur est bon. Il se trouve en effet que le flocage ne représente que 10% de l'amiante utilisée. Les entreprises spécialisées se pressent donc de réorienter leur activité vers le déflocage. Dès le milieu des années 70, à travers l'alerte de Jussieu, devenue autant le symbole que le cœur de la lutte, l'affaire de l'amiante soulève ses enjeux. Questions sociales, santé publique, enjeux industriels et politiques, salariés ou citoyens usagers, jeunes et vieux, l'amiante concerne la société dans son ensemble. Avec ces questions sous-jacentes à l'origine du scandale, quels sont les risques réels? Comment expliquer que le produit soit toujours et autant utilisé? Et puis, que traduisent ces représentants économiques ou politiques qui continuent de défendre le produit? Une chercheuse de Jussieu explique précisément les difficultés spécifiques de ce dossier. C'est difficile de faire des enquêtes. Il faut 20 ans pour qu'un cancer se déclare. Alors il faut remonter, retrouver les gens, ce qu'ils avaient fait 20 ans auparavant, etc. Alors il y a eu une première réglementation en Angleterre en 1930 qui visait surtout à éviter l'asbestose, puisque c'était ce qu'on connaissait à l'époque. Depuis, plusieurs réglementations ont vu le jour en Angleterre, aux États-Unis. Ce qui est réglementé, c'est ce qui se passe dans les usines d'amiante. C'est un seuil maximum tolérable d'amiante en suspension dans l'air. Pour le moment, il est de 2 fibres par centimètre cube aux États-Unis. Simplement, c'est une limitation dans les usines d'amiante. À l'extérieur, pour la pollution, peu de choses ont été faites. Le flocage, si, le flocage a été interdit aux États-Unis. Et en France, où en sommes-nous? En France, rien. En France, pas de réglementation, on floque à l'amiante, on utilise l'amiante. Alors oui, une commission s'est réunie, donnera des résultats bientôt. Enfin, elle s'est réunie très récemment, il y a 6 mois qu'elle existe. Mais pour le moment, aucune réglementation. L'asbestose est reconnue comme maladie professionnelle, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une réglementation? Apparemment se battre fort. Et c'est justement sur ce temps nécessaire à l'enquête que les industriels du secteur vont s'appuyer. Pour comprendre comment ils ont fait, il faut de nouveau revenir quelques années en arrière, du côté des entreprises, cette fois, pour cerner l'intense lobbying dont cette fibre mortelle a été et sera l'objet, notamment en France. Nous sommes à Londres, le 24 novembre 1971, quelques années avant le scandale de Jussieu. Dans un grand hôtel de la capitale anglaise, se réunissent ce jour-là les représentants de plusieurs grands groupes industriels de l'amiante. D'un côté les anglo-saxons, américains et britanniques, de l'autre leurs homologues européens. La raison de cette rencontre, les publications scientifiques, les articles de presse et les procès de plus en plus nombreux ces dernières années contre le produit qui constitue justement le cœur de leur activité et donc de leur chiffre d'affaires, l'amiante. Pendant des années, ils ont réussi à contenir les réglementations, à contrer les études négatives sur le produit. Mais en ce début d'année 70 et de décennie 70, les voilà accusés. Si cette roche fibreuse est utilisée de façon industrielle depuis la fin du 19e siècle, c'est aussi dès cette époque que les premières inquiétudes naissent. En France, un rapport de 1906, réalisé par l'inspecteur du travail Denis Auribeau à Caen, notait la surmortalité ouvrière d'une usine de textile utilisant de l'amiante. 30 ans plus tard, deux Britanniques découvrent le mésothéliome ou cancer de la plèvre. En 1955, le docteur Doll, épidémiologiste anglais, établit le lien entre amiante et risque d'un cancer du poumon. Et là est bien le cœur de la question. 5 ans plus tard, le docteur Wagner publie une étude sur une mine en Afrique du Sud. Cette étude confirme que c'est bien l'amiante qui est à l'origine de ce cancer d'un type nouveau, le mésothéliome. 30 ans se sont écoulés entre la découverte de la maladie et son lien avec l'amiante. 30 ans, le temps qu'il fallait pour que se déclare le cancer chez les victimes. Face à ces découvertes successives, en octobre 1964, l'Académie des sciences de New York organise une conférence internationale sur les effets de l'amiante. Ses conclusions sont catastrophiques. Le mésothéliome se répand, oui, que ce soit chez les travailleurs du secteur, mais aussi chez leurs proches, les riverains des usines ou des mines. Aux États-Unis, la conférence provoque une réaction de la société civile. Alors, ce 24 novembre 1971, 7 ans après, les industriels anglo-saxons rencontrent leurs voisins européens que l'onde de choc n'a pas encore atteint pour les prévenir et établir un plan de bataille. Il tient en 2 points. Le premier, montrer les avantages de l'amiante et les risques encourus à l'interdire sur le plan économique et sur la sécurité, notamment contre les incendies. Le second consiste à contrer les travaux de recherche par le financement et l'organisation de comités scientifiques pro-amiante pour dénoncer les allégations de la presse et l'incertitude des résultats produits par les études. Et ce sont bien ces arguments-là qu'on retrouve à Jussieu en 1977, au moment où le scandale éclate. Retirer l'amiante de Jussieu signifie retirer la protection incendie des bâtiments. Or, je crois qu'on peut rappeler qu'il y a quelques années, l'absence d'amiante dans un CES, le CES Payron, a provoqué la mort de plusieurs personnes. Et l'amiante est certainement un matériau indispensable à la protection incendie. On sait cependant que l'amiante est cancérigène. Alors, il n'y a absolument aucune preuve du caractère cancérigène de l'amiante. Et je crois que pour en faire le point, on doit se rapporter aux conclusions de la réunion qui a été tenue, du congrès qui a été tenu à Lyon par le CRIC et qui a établi de façon formelle, par la présence d'un très grand nombre de savants, le caractère non carcinogène de l'amiante au niveau de la population générale. Un intense lobbying qui, en France, arrivera à ses fins et même au-delà de ses espérances. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En 2 temps, 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Alors que 1973 s'ouvre une vague de procès sans précédent contre l'industrie de l'amiante de l'autre côté de l'Atlantique, la France n'est touchée que quelques années plus tard avec les affaires Jussieu et Amisol. Face à ce grand coup d'arrêt, le premier, les industriels français se font discrets pendant quelques années, puis ils décident d'appliquer les conclusions de la réunion londonienne. Il faut réagir, car à la fin des années 70, c'est du côté de Bruxelles et de la Commission européenne que vient le danger. En 1977, le Centre international de recherche sur le cancer classe l'amiante dans la liste des agents cancérigènes pour l'homme. Deux ans plus tard, une résolution européenne stipule qu'elle est dangereuse pour la santé humaine. Le risque d'une directive l'interdisant définitivement sur l'ensemble du marché européen s'accentue, les taux se resserrent. Face à la situation, le 21 janvier 1983, une fois la vague Jussieu passée, les industriels français du secteur fondent le comité permanent Amiante. Financé par les entreprises, le CPA se compose, et c'est toute sa force, de représentants de ces mêmes entreprises, mais aussi de tous les syndicats, sauf Sud, qui décline l'invitation. Il y a aussi des chercheurs, des spécialistes et enfin et surtout des membres des différents ministères concernés par le sujet. Cette curieuse association donne au CPA une légitimité et un levier d'action exceptionnel, notamment sur le plan politique. Quant au sujet d'amiante, écoutons l'un de ses représentants s'exprimer comme autant d'éléments de langage au service d'une substance qui tue, mais qui rapporte. Nous ne travaillons plus en France au niveau de l'amiante dans le contexte polémique et en particulier à coup de, excusez-moi du terme, à coup de déclaration un peu caricaturale. Nous avons par contre une structure qui est beaucoup plus constructive et qui s'appelle le comité permanent amiante. Et ce comité permanent amiante est composé de scientifiques spécialisés sur la question, en particulier les professeurs Fournier, le professeur Valeron et le professeur Jean Mignon. Il est aussi composé des principaux ministères, environnement, travail, santé, industrie et consommation. Il est aussi composé de toutes les organisations syndicales des travailleurs et aussi de l'industrie. Le risque pour la population générale, des organismes internationaux se sont prononcés sur cette question. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Centre international de recherche sur le cancer, la Communauté économique européenne, toutes ces organisations dont je ne peux pas mettre en cause l'objectivité, ont déclaré qu'il n'existait pas de risque pour la population générale et ont mis l'accent sur le fait que les risques associés étaient associés aux expositions anciennes dans l'industrie. Alors, de grâce, ne mélangeons pas tout, car le sujet est déjà assez difficile comme ça. Au cœur de cette stratégie, une notion, l'usage contrôlé. C'est autour de cet argument que le CPA base l'ensemble de son lobbying. Interdire l'amiante est impossible, en revanche, on peut en mesurer les risques par un usage maîtrisé des mesures de protection appropriées. Avec cette idée d'usage contrôlé, le CPA élargit son champ d'action au-delà des frontières. Dans les pays européens, mais aussi au Canada, l'un des principaux pays producteurs d'amiante, pour leur venir en aide lorsqu'ils sont confrontés à des campagnes de presse hostiles, menacées par la justice ou par une interdiction politique. C'est une sorte de brigade de secours au service de ce que vous savez maintenant. Résultat de l'étrange collusion entre industrie, science et politique réunie au sein du CPA, la France, pendant 10 ans, devient en quelque sorte la patrie de l'amiante. premier importateur d'Europe et cinquième exportateur. Il faut donc attendre 1995 pour que le scandale éclate de nouveau. Alors, comment les responsables politiques et les industriels vont-ils réagir cette fois ? Pourquoi cet aveuglement des pouvoirs publics face aux industriels ? Comment expliquer un silence qui aujourd'hui se compte en centaines de milliers de morts à venir ? Évidemment, sous le feu des questions, cette année 1995, la ministre de la Santé du gouvernement Juppé, Elisabeth Huber, réagit. Aujourd'hui, on se rend compte que l'on a effectivement une situation qui tend, l'affaire de Montpellier le montre, mais d'autres endroits également semblent suspects et nous amènent à prendre des décisions, oui, des décisions rapides qui consistent à prendre toutes dispositions nécessaires pour que dans tous les bâtiments qui sont connus, mais même suspects, d'avoir été construit au-delà des années 60-70, c'est à peu près entre 45 et 78, eh bien de prendre des dispositions pour que des mesures, des contrôles soient faits de ce nombre de particules en suspension dans l'air. Ce n'est pas un inventaire auquel nous voulons nous livrer, c'est effectivement sur des bâtiments qui sont connus ou suspects de d'ores et déjà faire des contrôles, de faire en sorte qu'il y ait obligation de ces contrôles. C'est-à-dire que si ces contrôles ne sont pas faits, il doit y avoir des sanctions qui soient prises parce qu'on ne badine pas avec la sécurité sanitaire, on ne badine pas avec des problèmes qui sont aussi importants. Je crois que ça ne serait pas concevable qu'on puisse effectivement être en retrait sur un problème de cette nature. Au moment où le scandale éclate, reportage et enquête se succèdent. Et l'on découvre le retard et l'incurie avec lesquels la France aborde le sujet de l'amiante depuis 10 ans. Absence de protection des travailleurs, méconnaissance des risques, responsabilité du CPA. Inévitablement, tous les regards se tournent vers ce comité permanent amiante. Le 25 septembre, ministère et syndicats retirent leurs représentants au sein du comité. Un retrait en forme d'aveu et également de désaveu. Cette fois, l'OCPA ne survivra pas au scandale. Il est dissous peu de temps après. D'autres scientifiques prennent le relais dans l'autre sens. D'abord, en avril 1996, des chercheurs du réseau France Cancer Incidence et Mortalité publient une étude montrant que le nombre de cas de mésothéliome a augmenté en France de 25% tous les 3 ans. Ils concluent leurs travaux par cet appel. La large dissémination de l'amiante dans la population générale et son pouvoir cancérigène aujourd'hui reconnu en font un problème de santé publique qui appelle des réponses de la part des pouvoirs publics. Et à partir de là, l'État commande un rapport qui fera date. Le rapport que le gouvernement a commandé à un groupe d'experts confirme ce que beaucoup dénoncent depuis des années. 1950 personnes mourront en 1996 à cause de l'amiante. Les scientifiques de l'INSERM sont formels. Toutes les fibres de ce matériau isolant sont cancérogènes. Jusqu'à présent, on pensait que seules les personnes travaillant à la fabrication de l'amiante ou qui le manipulaient étaient concernées, mais le rapport évoque aussi les expositions discontinues auxquelles ont été soumis des tauliers chaudronniers, des plombiers, des techniciens de laboratoire ou encore des ouvriers, des chantiers naval. Après la publication de ce rapport, c'est du côté de Jussieu de nouveau que le regard se tourne. Pour deux raisons. La première, c'est que depuis toutes ces années, c'est autour de cet établissement symbolique que s'est organisée la lutte. La seconde, c'est qu'il y a urgence. Jussieu est devenu une mine en plein cœur de Paris, une mine qui concerne la santé des étudiants, qui plus est. Alors, les pouvoirs publics financent des études préalables pour calculer le taux réel de l'amiantage du bâtiment. Ainsi, pièce après pièce, bureau après bureau, on traque, on compte, on relève le minéral mortel. Et au fur et à mesure, la note s'alourdit. C'est qu'il s'agit maintenant de désamianter des milliers de mètres carrés et de trouver une place à plus de 40 000 personnes. Un chantier colossal. Et de quoi créer une certaine inertie dans la décision. Face au blocage, le comité anti-amiante de l'établissement continue sa lutte. Selon lui, aucune mesure sérieuse ne voit le jour. Il faut agir maintenant, et vite. Des manifestations et des grèves sont organisées, ainsi que des rencontres avec François Bayrou, le ministre de l'Enseignement de l'époque. Finalement, c'est de l'Élysée que l'annonce est faite, le 14 juillet 1996. Alors, sur un sujet tout à fait différent, mais qui a fait évidemment et légitimement beaucoup parler de lui, qui est le dossier de l'amiante. Est-ce que vous considérez que dans cette affaire, qui frappe tout le monde, on peut par exemple imaginer que la rentrée prochaine se ferait à la faculté de Jussieu à Paris, qui est un des endroits qui passe pour le symbole des risques. Est-ce que c'est imaginable ? Devant ces phénomènes nouveaux, l'amiante, la vache folle, il faut d'abord une méthode. La méthode, ça doit être, dès qu'un phénomène apparaît, de réagir immédiatement, et ceci dans une situation de transparence totale. Il faut que la communauté scientifique puisse se prononcer dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Et dès qu'elle s'est prononcée, il faut que l'opinion publique en soit instantanément avertie. L'amiante, c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement a fait faire un rapport, ce rapport a été déposé, instantanément il a été rendu public, et des décisions ont été immédiatement prises. Naturellement, on ne va pas continuer à enseigner à Jussieu, parce qu'il y a un risque. Malgré l'intervention du président de la République, c'est toujours de Jussieu qu'une voix dissonante survient. Le 19 octobre 1996, Claude Allègre, géochimiste de renommée mondiale et directeur de l'Institut du Globe, installé dans la faculté, publie une tribune dans le journal Le Point intitulée « Amiante, où est le scandale ?». Sur 3 pages, il dénonce le rapport de l'INSERM et remet en cause les méthodes et les résultats obtenus par les chercheurs. Et il dit « Par un phénomène de psychose collective, on a transformé un problème de risque mineur en un problème de risque majeur ». Face à ces affirmations, Marcel Goldberg, qui a dirigé la rédaction du rapport, réagit. Alors ce rapport avait été accueilli avec enthousiasme, il a été salué par la commission parlementaire, donc qui s'occupe de l'amiante aujourd'hui, mais condamné par Claude Allègre, qui n'était pas ministre à l'époque, et qui le qualifie de mauvais rapport. Il y a une polémique là-dessus. Écoutez, je pense que M. Allègre a une opinion personnelle sur ce dossier-là. Bon, c'est bien entendu son droit, comme c'est celui de tout le monde. Je ne suis pas absolument certain qu'il ne sorte pas un petit peu de son domaine de compétences scientifiques personnelles lorsqu'il porte un jugement sur un travail qui fait appel à des disciplines scientifiques qui sont différentes de la sienne. Bref, de quoi je me mêle ? Finalement, le 26 décembre 1996, un décret d'interdiction de l'amiante est publié au Journal officiel. Toute utilisation est proscrite en France à partir du 1er janvier 1997. Quelques mois plus tard, à la faveur d'une dissolution, Alain Juppé est remplacé par Lionel Jospin. Le nouveau gouvernement socialiste doit gérer l'après-amiante. Martine Aubry, ministre du Travail, annonce une série de mesures. La retraite à 50 ans pour les anciens salariés atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante. La réglementation sur la présence du minéral dans les bâtiments. La création du FIVA, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Enfin, elle supprime le délai de prescription. Une mesure décisive. Car dans l'affaire de l'amiante, après la publication des rapports, la dissolution du CPA et la reprise en main de l'État, s'ouvre un nouveau volet, judiciaire celui-là. Pour les victimes, vient alors le temps des responsabilités, des dédommagements, mais aussi du questionnement fondamental. Comment a-t-on pu laisser autant de salariés et de citoyens mourir à cause de l'amiante ? On voyait des gens mourir, il y avait des gens qui mouraient, mais le lien n'était jamais fait avec l'amiante. Bon, par exemple, il y avait le chef des gardes qui s'appelait Monsieur Lagoutte, qui était un homme incroyablement gentil. Mais tout le monde a dit, Lagoutte est mort. Il y en a qui disaient, il paraît que c'est l'amiante. Tout le monde disait, oh, quand même, hein, il buvait. Tu te rappelles comme il buvait, Lagoutte ? Alors que il est mort, il avait peut-être, je sais pas, peut-être 45 ans. De façon très rapide. Et voilà, c'est la première fois que j'ai entendu associer peut-être à l'amiante. Et je pense que la direction devait s'employer justement à... C'est pas l'amiante, c'est pas le travail. Ils fument, ils boivent. Ils s'abîment la santé eux-mêmes. Allons, allons. C'est un alibi tellement magnifique. Tellement magnifique. S'ils n'avaient pas ça, qu'est-ce qu'ils pourraient dire ? I'm tired as fuck. Oh, I'm tired as fuck. Dry my eyes on the back of my sleeve and do my coat up. Oh, I'm tired and stuck. Oh, I'm tired as fuck. Put down the phone, put on my gloves and wish me luck. Wish me luck. I'm tired as hell. Oh, I'm tired as hell. Busted bed and broken door and I'm keeping to myself. Tired as hell, put down the phone, put on my shoes and wish me well. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le scandale de l'amiante. Notre invité, Roger Langlais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Société française d'histoire de la médecine et auteur de nombreuses enquêtes sur le lobbying en santé publique et sur la corruption, dont ce livre, ce dernier livre, intitulé « Le livre noir de l'amiante », sous-titré « 50 000 procès gagnés », mais le scandale continue, effectivement. D'ailleurs, première question, toute simple et précise, malgré les déflocages, malgré tout ce qu'on a pu faire pour enlever l'amiante là où il se trouvait, où trouve-t-on encore aujourd'hui de l'amiante ? Alors on en trouve dans beaucoup de produits d'importation, on va commencer par ça, parce que les contrôles sont insuffisants aux frontières. Il y a une petite mobilisation depuis quelques mois, on va dire, à l'initiative de l'Agence européenne sur les produits toxiques, qui rappelle aux douaniers et aux services tels que la DGCCRF de mieux contrôler, enfin de regarder notamment la banque de données RAPEX qui fait la liste d'un certain nombre d'articles qui ont été identifiés comme contenant de l'amiante, et une étude qui vient de sortir cette année européenne montre que sur l'ensemble de 6000 articles contrôlés de près, près de 14% d'entre eux contenaient de l'amiante. Alors, on trouve des jouets pour enfants, des vélos, des bouteilles thermos, des radiateurs, des produits qui viennent essentiellement d'Asie, mais pas seulement, qui viennent des pays, en gros, où l'amiante est toujours autorisée. Il y a une soixantaine de pays au monde qui l'ont actuellement plus ou moins interdit, selon les pays d'ailleurs, mais on a donc une majorité de pays encore qui traînent les pieds et on ne voit pas poindre encore l'interdiction de l'amiante. Alors, mondial en tout cas. Justement, c'est peut-être ce que nous dit entre les lignes, les deux lignes du titre et du sous-titre de votre livre. 50 000 procès gagnés, mais le scandale continue. Alors, le scandale continue, ça veut dire d'abord qu'il y a encore de l'amiante, après il y a les indemnisations, il y a les victimes. 50 000 procès gagnés, et pourtant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça nous montre? Alors, 50 000 procès gagnés, c'est aussi bien au civil qu'au pénal, surtout au civil d'ailleurs, c'est-à-dire devant les prud'hommes pour les salariés exposés, et on en a encore, je voyais un procès encore hier, notamment qui impliquait un maire près de Blois, ainsi qu'une grande entreprise de travaux public et pas seulement public, enfin bon, c'était travaux, quoi. Une antenne de l'industrie, voilà, Eiffage, où le salarié avait porté plainte, ça se jugeait au tribunal correctionnel de Blois, et on voyait encore là que on pouvait exposer des salariés à leur insu, on leur avait fait déblayer des matériaux amiantés en tant que déchets sans les prévenir, sans les protéger, rien du tout, et on le voit un peu partout en France encore aujourd'hui, aussi bien au niveau des collectivités locales que des entreprises, des gens qui font, qui exposent la population ou leurs salariés, et 50 000 procès gagnés, ça veut dire pour beaucoup des entrepreneurs, des petits entrepreneurs souvent moyens, qui sont condamnés en correctionnel, parfois des années de prison, en général avec sursis, à des amendes, etc. Et donc là, on est aussi au pénal, vous voyez. Donc c'est 50 000 procès gagnés, c'est historique. On n'a jamais vu ça pour aucun matériau, aucune substance. Et pourtant, les grands responsables nationaux, eux, depuis plus de 20 ans, leurs procès traînent, leur mise en examen a été annulée, restaurée. On attend à nouveau, dans quelques jours peut-être, la décision de la cassation qui va finalement confirmer ou pas. C'est mise en examen des responsables nationaux. En tout cas, ce grand procès, évidemment, est attendu, puisque les décisions venaient de tout en haut. Alors, de l'amiante, il en reste, des procès, ça continue, et puis des actions aussi. La preuve, le 12 octobre dernier, plusieurs rassemblements ont été organisés contre la présence d'amiante dans les établissements scolaires. Reportage de France 3 à Pontoise. Il refuse de faire cours depuis 10 jours parce qu'il s'inquiète pour leur santé et celle de leurs élèves. Plusieurs accidents, dont un incendie fin septembre, ont révélé la présence d'amiante presque partout dans leur lycée. La grande majorité des salles contient de l'amiante dans les flocages, donc au-dessus du faux plafond. On est à 1500 mètres carrés d'amiante par étage. Sur ma santé, je n'observe pas de traces particulières, mais l'amiante, c'est dans les 20, dans les 30 ans qu'on découvre les problèmes. Enseignants, parents et élèves du lycée Brassens ont rejoint un long cortège cet après-midi, car leur établissement n'est pas un cas isolé. L'amiante n'est interdit que depuis 20 ans en France, et ce matériau a massivement été utilisé dans la construction de nos écoles. On en retrouve dans les toitures, les flocages, sous les faux plafonds et parfois même dans l'atmosphère quand elle s'effrite, comme ici à Pontoise. Voilà, alors on dit ensuite il y a de l'amiante ici et là, faut faire le déflocage, et puis on parle du coût économique du déflocage, on arrive presque à un tabou économique autour de ça. Depuis le début, il y a un tabou là-dessus. Je rappelle que Jussieu, on a franchi le cap des 2 milliards, alors qu'on était 50 fois en dessous au départ en termes de prévision. Le déflocage national, quand je dis déflocage, c'est disons désamiantage, hein, seulement, pas seulement retirer les flocages, mais enlever tous les matériaux amiantés. Il y a des plâtres qui contiennent de l'amiante, des dalles de sol encore, etc. Donc, je fais l'inventaire dans le livre de tous les lieux où on peut encore trouver de l'amiante, y compris qui tombe sur les aliments, par exemple dans les supermarchés, à la première petite tempête ou vibration du toit qui contient encore de l'amiante, et bien l'amiante tombe sur les produits. Les salariés évidemment sont exposés, mais les clients aussi, et on en arrive à manger même des aliments, des fruits par exemple amiantés, puisque évidemment le désamiantage tarde trop. On en a encore dans des cinémas, des salles de concert, des commissariats, des palais de justice. Il y a une juge qui est morte récemment encore d'un mésothéliome à cause du palais de l'amiante qu'il y avait dans le palais de justice de Créteil. On en trouve dans des parkings, etc. Hein, disons que l'inventaire national n'étant pas vraiment rendu public, ainsi que d'ailleurs les 3000 produits qui en contiennent, qui vont des colles en passant par les vernis, les peintures, etc., le scandale continue, c'est-à-dire qu'on laisse encore la population s'exposer à son insu, à tout un tas de produits qui devraient être très rigoureusement répertorié avec une banque de données qu'on puisse consulter, savoir si par exemple dans le marché où on va régulièrement ou dans certains lieux publics ou privés on est exposé ou pas, de façon à prendre ses précautions. Alors quand on veut lutter contre un fléau, un phénomène de santé publique, et quand la santé publique est mise en danger, eh bien on fait confiance au pouvoir public avec une volonté politique, c'est normal. Et puis ça marche pas. Alors si ça marche pas, c'est qu'il y a des lobbies. Et que les lobbies sont puissants. Qui sont ces lobbies dans le cadre de l'amiante et comment fonctionnent-ils ? Alors, les lobbies donc industriels et financiers fonctionnent finalement d'une manière assez simple, que je pourrais résumer par la formule, quand on les chasse par la porte sous la pression de l'opinion publique ou des associations, ils rentrent par la fenêtre. Voilà, exactement. Et on les retrouve dans les commissions d'expertise, les commissions de décision qui fixent les normes, qui prennent les décisions finalement que les ministres vont relayer ensuite. Il y a une délégation, on va dire encore, aux lobbyistes, quand ils ne deviennent pas ministres carrément, pour décider. Bon, on se rappelle l'épisode Hulot qui part parce que il accepte pas l'idée que les lobbies soient représentés dans les réunions interministérielles. Oui. C'est hallucinant. Et c'est précisément ça qui a rendu possible le scandale de l'amiante. C'est qu'on a délégué finalement l'expertise et la décision, en réalité, aux industriels de l'amiante. C'est un peu comme si aujourd'hui... Conflit d'intérêt. Alors, conflit d'intérêt majeur. Structurel. Et structurel aussi, donc on va dire corruption structurelle, si on veut appeler un chat un chat, et avec tout un tas d'avantages, évidemment, pour les politiques, et en France encore, il faut savoir que les lobbies continuent à financer quand même la vie politique, malgré les interdictions officielles, et là on pourrait y passer, parce que c'est une partie de mon travail, évidemment, de nombreuses heures détaillées, on a encore aujourd'hui, malheureusement, cette situation où quand on a une maladie, par exemple, importante, imaginez les cancers des poumons confiés, dont la prévention serait confiée aux cigarettiers, par exemple. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'amiante, et c'est ce qui continue à se passer au sein même des agences de sécurité sanitaire. Eh bien, dites-moi, cette structure du CPA, Comité Permanent Amiante, alors quel est votre regard sur cette structure-là ? Alors, on a parlé pendant le récit. Voilà. Et cette structure, en fait, donc le Comité Permanent Amiante, était composé officiellement de représentants des différents ministères, ministère du Logement, des Transports, de l'Industrie, etc., qui venaient plus ou moins d'ailleurs, mais enfin officiellement ils étaient là. Et quand on enquête de près, on s'aperçoit que chacun dit « Non, j'y étais pas, en fait, j'avais été dormi comme ça. » Enfin, bref. Il y avait des experts épidémiologistes, des médecins, on parlait de Fournier tout à l'heure, qui s'est quand même permis de sortir un rapport approuvé à l'unanimité par l'Académie de médecine, niant la nocivité de l'amiante. Les dangers, Et au même moment, quasiment, l'INSERM sortait son propre rapport, rappelant qu'il y avait 2000 morts par an en France à cause de l'amiante et qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel l'amiante n'est pas cancérigène. Ça, c'est important de le rappeler, parce que je vois se réinstaller aujourd'hui le sentiment général chez beaucoup de gens qu'il faut vraiment y être beaucoup exposé pour développer un cancer. C'est faux. Ça, c'est important de le dire. C'est très important de le dire, et notamment pour tous les particuliers qui ont souvent des gestes dangereux en fait avec l'amiante, qui croient pouvoir enlever les plaques de fibrociment de leur propre garage, les casser, les jeter plus ou moins discrètement dans des décharges, mettre ça dans la voiture pour l'emmener jusqu'à la décharge. Enfin, vous voyez tout ce genre d'actes. Et donc, par inhalation, hein, c'est ça. Et donc, alors pas seulement l'inhalation. Alors, ça, c'est important. C'est très très important. C'est donc je montre en détail dans le livre avec la documentation scientifique à l'appui qui montre, qui prouve qu'aujourd'hui beaucoup de cancers des voies digestives, hein, c'est-à-dire des fibres avalées aussi, à travers certaines eaux du robinet ou certaines eaux minérales, à travers certains aliments qui pénètrent les frontières, bon, etc., on a tout simplement des cancers du péritoine, hein, de l'enveloppe de l'intestin. Et ça se balade ensuite plus loin, au-delà des voies digestives, des cancers des ovaires, bien documentés aujourd'hui dans leur relation à l'amiante, des cancers des testicules, du péricarde, c'est-à-dire l'enveloppe du cœur, et des fibres qui se baladent partout et qui ont cette vertu, on va dire, d'entraîner des cancers là où elles se fichent dans les serres, dans les chairs, ouais, où elles restent pendant des années sans se détruire, et où elles finissent avec le processus inflammatoire par causer des cancers. Eh bien, nous allons écouter justement le reportage d'Anaëlle Verzeau, qui est exactement sur le thème que vous venez de développer. Elle est allée à la rencontre d'une victime de l'amiante, elle a enquêté également sur les lobbies. Je vous laisse reprendre votre souffle, ça va? Oui. Vous avez besoin, vous me disiez? De 12 heures d'oxygène par jour. 12 heures d'oxygène, oui. 12 heures, 2 litres par minute. Et j'ai aussi un appareil d'oxygène d'effort. Normalement, dès que je marche un peu trop, je dois mettre de l'oxygène. Là, vous l'avez avec vous? Il est dans ma voiture. Là. C'est toujours dans ma voiture. Tant que je marche pas trop, ça va. Là, j'ai juste monté les escaliers, ça va. Il y a deux étages, oui. Ça va? On va doucement. On récupère, hein, ça va. Deux étages, c'est bien parce qu'il y a un arrêt au premier. Il y a des sièges, là, c'est vrai. Et c'est ça, quoi, mais bon. Ça fait combien de temps que vous êtes malade, Jean-Paul? Depuis 2001. J'ai eu un cancer bronchopulmonaire. J'ai été opéré. J'ai eu de la chance. Moi, j'étais juste blessé, hein, parce que m'en suis sorti. Et j'ai un collègue dans la même période que moi qui a eu le même problème. Lui, il est décédé en 6 mois. Quand Jean-Paul Mercier est tombé malade, il était délégué CGT et membre du CHSCT de Placoplâtre. Il est très critique, hein, à l'égard de son syndicat, la CGT, qui était membre, rappelons-le, du lobby de l'amiante. Et Jean-Paul, vous étiez syndiqué CGT? Oui. Et le problème, c'est que, il y a eu beaucoup d'erreurs du syndicat à l'époque. Parce que le syndicat, à l'époque, c'était, vous me donnez une augmentation et ça passe. Alors, c'est-à-dire? Ils combattaient plus sur tout ce qui était salaire. Mais tout ce qui était protection, c'était pas la priorité. La santé n'était pas la priorité. Voilà. Tant qu'il n'y avait pas de conflit par rapport à l'augmentation de salaire, le restant, ça passait. La CGT faisait partie du comité permanent amiante. Oui, voilà, ils ont fait des erreurs. Et maintenant, nous, on le paye. Voilà. Et est-ce qu'après être tombé malade, vous avez interpellé la CGT en disant « Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été averti plus tôt ?» Non, moi, même pas, parce que, vous savez, quand j'ai vu qu'après, de moins en moins, on s'occupait de moi, ah oui, parce que moi, après, une fois que j'ai quitté la Placoplâtre, la CGT, c'est pas que... La CGT s'est pas occupée de vous. Oui. J'ai l'impression qu'une fois qu'on est sorti du marché, quoi, comme on dit. Vous travaillez, tout ça. Puis, enfin, vous êtes sorti du marché, vous comptez plus, quoi. On est que des numéros. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce lobby ait réussi à convaincre des syndicats, des fonctionnaires du ministère du Travail et même des scientifiques d'en faire partie. Mais c'était pas tout, hein. Ça marche dans les deux sens, hein, l'influence de ce lobby, puisque les chercheurs indépendants comme Henri Pezra et Anité Bomoni subissent et ont subi des pressions du lobby. Anité Bomoni nous a apporté son témoignage par téléphone. J'ai subi des pressions, en fait, disons qu'ils ont essayé de m'intimider alors que je venais de terminer une grosse enquête sur les maladies professionnelles pour le ministère du Travail qui a été publiée à la documentation française en 1991 avec un travail de 5 ans d'enquête et parmi les études de cas sur lesquelles nous avons travaillé, il y avait le mésothéliome. Et juste après la sortie du livre, je reçois un appel du docteur Claude Raffaelli, qui était donc médecin du travail, membre du comité permanent amiante également. Mmh. ils m'attaquent directement en me disant « vos résultats sont faux ». Ils affirmaient que les mésothéliomes étaient en train de décroître alors que les données INSERM disaient l'inverse. Donc j'ai résisté évidemment en disant que j'étais sûre de l'ensemble de mes données. C'était des véritables monographies autour de cas de mésothéliome avérés. Et eux, en face, de leur côté, ils avaient quoi ? Rien. Une mise en doute gratuite de mes travaux. Et grâce à votre reportage, Annaëlle Verzeau, nous allons maintenant entendre un témoignage rare, parce que c'est celui d'un repenti du lobby de l'amiante. Il s'appelle Patrick Brochard, il est aujourd'hui professeur de médecine du travail et consultant au CHU de Bordeaux. Il a été membre du comité permanent amiante de 1986 à 1995. Et vous avez pu lui parler par téléphone. Vous êtes toujours persuadé aujourd'hui que vous n'avez qui ont fait leur boulot, que vous et les pouvoirs publics, enfin tous ceux qui ont fait partie du CPA, ont eu raison de faire partie du CPA ? Très clairement non. Non, parce qu'on a du mal à imaginer comment des grands scientifiques comme vous et Jean Bignon ont pu se laisser prendre. Oui, l'élément qui me semble le plus aberrant aujourd'hui, c'était d'avoir confié le secrétariat de ce groupe de travail à un cabinet de consultation qui était directement payé par l'industrie à la demande de l'État. La position de l'État, tous les ministères qui étaient représentés, c'était pour nous la garantie qu'il y avait un contrôle derrière et que l'industrie faisait pas n'importe quoi. Bon. Alors j'ai lu que le comité permanent amiante s'était réuni 98 fois entre septembre 82 et septembre 95. Oui. Que le CPA finançait des voyages d'études ? Alors, très clairement, oui. Je me rappelle être allé dans des réunions, dans des colloques sur l'amiante et sur lesquels, effectivement, les membres du CPA étaient défrayés. Pour moi, c'était quasiment l'État qui nous demandait de participer à ces colloques. Hein. Voilà. Mais il y a d'autres chercheurs comme Henri Pézra qui, eux, ont effectué leurs recherches d'une manière absolument, indépendante. Absolument. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, une structure comme le CPA est complètement inconcevable. Le reportage d'Annaëlle Verzeau qui fait totalement écho à votre livre. Hein, oui, totalement. Je voudrais rajouter juste une petite chose. Dans les aliments et les boissons qu'on risque de trouver aujourd'hui, faute de contrôle et d'interdiction, bon, il est interdit de commercialiser des produits contenant de l'amiante depuis 97. Mm-hmm. On a encore, dans les 20 millésimés en particulier, des grands vins français, des quantités effroyables d'amiante, dues au fait qu'ils ont utilisé les fibres d'amiante, qui sont toujours en vente dans les grandes enseignes, hein, ou par les viticulteurs, et donc au plus vite, là je demande que les autorités publiques procèdent à ces contrôles pour enfin retirer du marché ces produits qu'on peut consommer et qui risquent de causer des cancers digestifs. Roger, une dernière chose, c'est important, ce ne sont que 4 pages, mais elles sont importantes dans votre livre, contactez les associations des victimes, donc vous donnez les pistes, évidemment ça passe par le web, ça passe par une adresse, on vous mettra tout ça sur le site d'Affaires Sensibles. Le premier conseil, quelqu'un se sent victime d'un cancer lié à l'amiante, il a quelques bonnes raisons de penser, que doit-il faire ? Alors, pour rester seul là-dedans. Voilà. Rapidement, quelques secondes. La démarche peut être un peu complexe. J'en donne tous les détails donc dans le livre. Okay. Et les gestes ainsi de précaution, parce que là, on aurait pu rentrer aussi dans de nombreux détails. Il faut contacter une association. Il y a des associations locales. Aujourd'hui, elles sont nombreuses. Il y a l'association nationale. Mais... Et évidemment, il faut agir auprès du FIVA, voire auprès de la justice pénale. Hein, encore une fois, hier, il y a un salarié qui a été en procès contre son patron. Donc, on gagne aujourd'hui assez facilement. Hein, la jurisprudence est très favorable aux victimes. D'accord. Donc voilà, pour les autres détails. Il y a de quoi ne pas rester seul. Tous les détails sont dans votre livre, seront sur notre site. Merci infiniment. Pardon de vous avoir brusqué, mais l'heure, c'est l'heure. Non, en radio, c'est comme ça. Roger Langlais, merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'amiante, un scandale français, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Stéphane Beaujac qui était à la technique aujourd'hui.